Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir, et oui, à chaque semaine, à vous offrir comme ça de l'excellente musique franco-canadienne d'une petite mer à l'autre, et aussi de vous offrir quelques belles nouveautés. Cette semaine, j'en ai quelques-unes. Entre autres, cette semaine, on va entendre du Nina Boudreau, du Wilfred Le Boutillier, Isabelle Cyr comme album de la semaine, excellent album. On va entendre du Jeannie René, il y aura du Céleste Lévy. J'ai aussi Jean-Sian, MG Trio, Michel Grégoire en instrumental. Et du côté de l'Ouest, je vous prépare, entre autres, un petit spécial jazz avec Suzanne Kennelly et Marie-Véronique Bourque. Donc, mais restez là, on commence avec le bloc des Maritimes dans quelques instants à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, ici Lalonde des ondes, très content d'être avec vous et bien entendu, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous d'un bout à l'autre du pays et de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface, Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien bonjour à tous les auditeurs de tous ces coins de pays-là. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Eh bien, vous le savez, je l'annonce depuis quelques temps, c'est le Congrès mondial acadien qui débute très, très bientôt. Ça va aller comme ça jusqu'à la mi-août, même dépasser la mi-août, si je ne me trompe pas. Et ça fait longtemps que ça dure, le Congrès mondial acadien. Je vais vous faire entendre la première chanson de la première édition du Congrès mondial acadien. Et par la suite, une petite surprise que j'ai reçue cette semaine d'un bon ami à moi. Je nomme pas son nom parce que vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais vous allez voir la deuxième chanson qui est plus récente, qui est toute neuve. Très belle chanson par rapport à... Je vais vous donner un indice. Par rapport au Congrès mondial acadien. Mais pour l'instant, voici le premier thème du premier Congrès mondial acadien. Séparés par la mer, pendant les années tristes, dispersés à travers, on n'avait pas eu le choix de partir. C'est le temps pour se revoir, chanter, danser ensemble, où ça a tout commencé, presque 400 ans passés. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton. Tes enfants reviennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants reviennent dans tes bras. Ils viennent du nord et de l'est, la joie de vivre viennent du sud et de l'ouest, attirés par les racines. T'es mon frère, t'es ma sœur, j'ai point connu jusqu'à cette heure. Je peux voir dans tes yeux comment t'as pas pu oublier. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants viennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants viennent. Ses enfants d'Amérique française, traversant l'océan sur nos âmes de glaise, pour endiguer l'espoir et s'aimer d'au-delà d'une diaspora dispersée par l'histoire. Serons ses enfants au visage dansant, des visages en levant au matin de renaître, passagers clandestins sur les mers naviguées, des lignes de nos mains gercées de liberté. Loin sur la map monde, tout hardi d'avenir, d'anciens et nouveaux mondes, je nous vois revenir. seront ses enfants, refusant de vieillir, insoumis de tout temps, mutins sans repentir, affranchis, visionnaires, assoiffés d'inconnus, sabrement de lumière à l'étoile. Je nous vois revenir, loin sur la map monde, tout hâte d'avenir, d'anciens et nouveaux mondes. Je nous vois devenir d'une trop longue absence, cueillir les fruits aux branches, refleurir aux jeunes d'espérance. Je nous vois Robichaud, Roland Gauvin et la charmante Lina Boudreau qui nous ont interprété Je nous vois revenir, chanson thème du Congrès mondial acadien pour célébrer les 25 ans du premier Congrès mondial acadien dans les années 80 quelques. Ça faisait une bonne suite, hein, Acadie de nos cœurs et Je nous vois revenir. Très beau texte, très belle mélodie, et ça fait du bien de voir les deux copains, Roland Gauvin et Pierre Robichaud, nous chanter ça avec les chœurs de la charmante Lina Boudreau, qui a une voix exceptionnelle. C'est vraiment magnifique. Disponible sur tous les réseaux, sur YouTube. Allez voir le clip, c'est vraiment charmant, c'est bien fait. Donc, c'est Pierre Robichaud qui m'a envoyé un petit courriel Facebook comme ça pour me dire « Hey, Marc! J'ai quelque chose pour toi », puis oh my God, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Merci Pierre Robichaud, merci Roland Gauvin et Lina Boudreau, et très très belle chanson, allez mettre la main là-dessus. Belle chanson, c'est le cas de la prochaine « C'est mieux comme ça » de Denis Richard, qui est justement repris par Lina Boudreau. Je pense que c'est un album qu'on vient de faire. Il y a deux, trois chansons comme ça qui sont sorties, des chansons de Denis Richard. Et c'est mieux comme ça, belle version. Déjà que c'était une pièce remarquable. La version que Lina Boudreau nous a envoyée, qu'elle a mis disponible sur les médias sociaux, c'est vraiment très, très bien fait. Piano, voix, c'est magnifique, vous allez voir. C'est mieux comme ça. Et tant qu'à parler de Denis Richard, pourquoi pas se rappeler un beau souvenir d'une chanson qu'il a écrite en réponse au phoque en Alaska. C'est tout simplement, ça s'appelle San Diego. Écoutez les paroles, c'est génial. Ce gars-là, c'est un génie. On le manque beaucoup, énormément. Donc, San Diego de Denis Richard, ça s'en vient. Mais pour l'instant, Lina Boudreau, c'est mieux comme ça. Si j'avais réponse à tout, je ne le dirai jamais. Il n'y aurait que les fous qui m'écouteraient, comprendraient. Hey baby, c'est mieux comme ça. Y a de vrai sur cette terre. Que la quête du savoir, comment ça se fait qu'on va faire? Je n'ai rien pu tout avoir. Hey baby, c'est mieux comme ça. Hey baby, c'est mieux comme ça. Fais briller les yeux comme ceux d'un enfant qui s'éveille. Apprends-moi, je veux. C'est mieux comme ça. Quand on aura tout compris, quand tout sera résolu, sens infini de la vie, du moins celle qu'on a connue. Hey baby, c'est mieux comme ça. Baby, c'est mieux comme ça. Fais briller les yeux comme ceux d'un enfant qui s'éveille. Apprends-moi, je veux. C'est ça fait mal. qu'il faut suivre sa voie. J'avais pas le choix. J'ai fait le tour du monde, New York, Rome et Pékin. On dit que la terre est ronde, moi je dis elle est sans fin. J'ai fait mon show partout, et partout c'est pareil. Le monde il n'est pas fou, veut juste un peu de soleil. Moi j'en donne enfin, je sais. Et j'ai lu dans leur regard la quête du bonheur. Ils sont des milliards, et la plupart ont du cœur. C'est pas pour quelques fous qu'il faut baisser les bras. Je suis qu'un phoque dans un zoo, et je donne la joie. Je suis peut-être folle, mais j'y crois. Et j'en ai fait tourner des ballons sur mon nez. Oui, et en passant, j'ai fait rire les enfants. Et ça en valait la peine. Je t'embrasse, je t'aime. Tiré de son album Chansons et autres flâneries, M. Denis Richard, San Diego, très très belle chanson, belle mélodie folk, un texte quand même intéressant. Lorsqu'on connaît le folk en Alaska, on peut faire des relations assez faciles pour chaque phrase, donc c'est vraiment bien fait. Donc bravo Denis Richard. On va terminer ça avec Wilfred Leboutillier, et je regardais pour le fun comme ça sur son site, sa page Facebook, voir qu'est-ce qui se passe avec lui. S'il se passe qu'il va faire beaucoup de millages cet été au Québec, au Nouveau-Brunswick, plusieurs spectacles du mois de juin là, jusqu'à la fin septembre, jusqu'au 21 septembre. Donc il est pas mal en tournée un peu partout au pays. Surtout dans l'est du pays, Québec et Nouveau-Brunswick. On va terminer notre bloc des Maritimes, si vous voulez bien, avec une chanson qu'il a lancée au début de l'été. Cherchez la lumière, très bonne chanson. Voici l'auteur, compositeur, interprète acadien, Wilfred Leboutillier. Marcher pas à pas, marcher jour et nuit, sans baisser les bras, l'instinct de survie encore survivra. Et je dis, les coups, les blessures n'auront plus d'effet sur moi. Chercher la lumière en sens intérieur. Yeah. chercher la lumière en sens interdit. À l'effet contraire, ça j'ai bien appris. Jamais plus me taire, j'en ai plus envie. Yeah. Chercher la lumière en sens interdit.